Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Et c'est la dernière de 2019, et oui, puisque ce soir pour Radio Guémouzo, ce sont les vacances. La réouverture, ce sera le 2 janvier, mais on en parle plus tard dans l'émission. Nous sommes donc vendredi, c'est la fin de la semaine, nous souhaitons une bonne fête au Théophile. Le dicton nous dit, au vin de Noël, les jours rallonge d'un pas d'hirondelle. Célébration internationale, aujourd'hui journée internationale de la solidarité humaine. Et en France, à l'île de la Réunion, c'est l'abolition de l'esclavage, appelée Fête CAF, qui commémore le décret d'abolition en 1848. Et dans les événements qui se sont déroulés, un 20 décembre 1971, fondation de Médecins sans frontières. Allez, on va parler des événements en région et notamment du domaine ski de Gérardmer qui ouvrira partiellement à partir du jeudi 26 décembre avec des activités 4 saisons, VTT, trottinette, trampoline et éventuellement des activités neige en fonction des possibilités, parcours de ski de fond, piste de luge et jardin d'enfants. Et oui, hein, la neige n'est peut-être pas au rendez-vous totalement espéré, hein, mais bon, sait-on jamais. Autre événement, c'est la médiathèque. Alors, je suis en train de chercher les horaires pour la période de Noël, il me semble, oui. Non, c'est des animations, pardon. Une expo Lego plus atelier. Alors ça, ce sera du 18 décembre au 25 janvier. Et un autre événement, c'est le concert de Nouvel An, qui lui aura lieu le 28 décembre. Et enfin, on termine avec roulement de tambour. Cette fois-ci, oui, ce sont bien les horaires, cette fois-ci, de la médiathèque intercommunale. Donc, bien évidemment, les médiathèques seront fermées les mercredis 25 et 1er janvier. Le réseau fermera exceptionnellement à 16h le mardi 24 décembre. Et donc, en dehors de ces quelques modifications, eh bien, les médiathèques vous accueilleront comme d'habitude du mardi au samedi aux horaires habituels. Voilà donc pour ces petites informations. Et tout de suite, nous, on écoute Chris qui nous parle du don du sang du mois de décembre. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémouzo 107FM. C'est Chris et aujourd'hui je vous présente le programme des Journées du Sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois de décembre 2019 de notre département. Tout d'abord, et comme je le répète chaque mois, il est important de savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et pour répondre à cette exigence, voici le programme des Journées du Sang pour le mois de décembre 2019 dans notre département. Le 20 décembre 2019, à Bussan, à la salle des fêtes, située 2 place de la mairie, de 16h à 19h30. Le 23 décembre 2019, à Thiéfos, à la salle polyvalente, située à l'adresse 1 chemin Vieux-Pont, de 16h à 19h30. Le 27 décembre 2019, à Domartin-les-Remiremont, à la salle des fêtes, située à l'adresse 51 rue de Pont, de 16h à 19h30. Je le répète une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, pourraient permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. Et nous, tout de suite, on écoute Anita Ward avec son titre « Ring My Bell ». Anita Ward sur RJM. Un peu plus de 8h38, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 20 décembre 1950. Naissance de Bruno Moineau, acteur français vu dans Les Bronzés font du ski dans le rôle de Gilbert Selman. Le Père Noël est une ordure dans le rôle de Monsieur Preskovic. Papy fait de la résistance ou encore rien à déclarer. 1956, naissance d'Anita Ward, chanteuse américaine. 1961, naissance d'Yvan Le Bolloc, animateur, acteur et musicien français connu pour son rôle de Jean-Claude Convenant, alias JC dans Caméra Café ainsi que les films Espace Détente et Le Séminaire, vu également dans Scène de Ménage, Doc Martin, Candice Renoir et depuis 2016 dans En Famille dans le rôle d'Yvan Pouillou. 1966, naissance d'Hélène Rollès, actrice chanteuse française connue pour son rôle d'Hélène Girard à la télévision et d'abord apparue dans la série Premier Baiser, puis dans Hélène et les garçons, Le Miracle de l'amour, Les Vacances de l'amour et Les Mystères de l'amour, et notamment connue pour le titre Je m'appelle Hélène. Petite piqûre de rappel, on s'écoute un tout petit extrait. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Hélène, j'aime mes joies, mes peines, elles font ma vie comme la vôtre. Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver l'amour. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Voilà donc pour Je m'appelle Hélène. On continue les anniversaires. 1970, naissance de Nicole de Boer, actrice canadienne, connue pour ses rôles du lieutenant Ezri Dax dans la série Star Trek Deep Space Nine et son rôle de Sarah Bracknell Bannerman dans Dead Zone. 1973, naissance de Nadia Farès, actrice française vue dans Les Rivières Pourpres dans le rôle de Fanny Ferreira, L'ex-femme de ma vie ou encore Chacun sa vie. 1981, naissance de Julien Beneteau, ancien joueur de tennis français ayant fait carrière de 2000 à 2018, qui en simple a été 25e mondial, quart de finaliste à Roland-Garros, 8e de finaliste à Wimbledon, 16e de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open. En double, il a été numéro 5 mondial, il a remporté une fois Roland-Garros, une fois finaliste à Wimbledon, demi-finaliste à l'US Open et quart de finaliste à l'Open d'Australie. Aux Jeux Olympiques, il a remporté une médaille de bronze en double. Il a remporté avec la France une Coupe Davis, c'était en 2017, actuellement capitaine de l'équipe de France de Fed Cup. Succession de Yannick Noah. 1982, naissance de Kenny Arcana, rappeuse française qu'on va écouter dans quelques instants. 1983, naissance de Jonah Hill, acteur américain, vu dans En Cloque, Mode d'emploi dans le rôle de Jonah, Evan Tout-Puissant, La Nuit au Musée 2, Le Stratège, Babysitter malgré lui, Le Loup de Wall Street et les films 21 Jump Street et 22 Jump Street dans le rôle de Morton Schmidt. 1998, naissance de Kylian Mbappé, footballeur international, français, qui de 2015 à 2018 était en contrat avec Monaco, club avec lequel il était champion de France en 2017. Entre 2017 et 2018, il était prêté au PSG avant d'y signer. Ça fait deux saisons maintenant, champion de France en 2018 et 2019, champion du monde en 2018, élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Et au Ballon d'Or 2018, il a terminé quatrième du classement et il a remporté le trophée Copa, désignant le meilleur jeune joueur mondial de moins de 21 ans. En 2016, décédée Michèle Morgan, actrice française vue dans Le Quai des Brumes, L'Évadée, La Symphonie Pastorale dans le rôle de Gertrude, récompensée au Festival de Cannes par le Grand Prix d'interprétation féminine. Allez, on s'écoute Kenny Arcana avec Je me barre. Pas d'inquiétude, moi je reste. Hein. Ailleurs, ciao, ciao, les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, ferme la porte, passez par la fenêtre.

14h15 pour suivre nos Françaises. Dossard numéro 11 pour Julia Simon, le 18 pour Justine Brezaz, le 33 pour Anaïs Bescon, le 47 pour Célia Aymonier, le 64 pour Caroline Colombo et le 87 pour Chloé Chevalier. J'ai un peu l'impression de donner les numéros du loto. Le dossard numéro 3 pour Lisa Vitozzi, le 8 pour Anna Heuberg ou encore le 29 pour Dorothea Vireur. La suite des réjouissances de ce week-end au Grand Bornand et de cette dernière étape du mois de décembre, avant une pause, ce sera samedi avec les poursuites, rendez-vous à 13h pour les messieurs et à 15h pour les dames. Et dimanche, on terminera en beauté avec les Mastart, messieurs à 12h10 et les dames à 14h15. On continue l'actualité sportive avec du basket, le résultat en NBA cette nuit de l'Utah Jazz de Rudy Gobert qui s'est imposé à Atlanta 106 à 111, 20 points et 13 rebonds pour le français. En Pro B ce soir, Nancy se déplace à Paris et en National 1, ça jouera samedi pour le Jet qui se déplace à Kaisersberg. Un mot de hockey sur glace, D2, déplacement ce week-end pour le club d'Épinal à Rouen pour affronter l'équipe numéro 2. Et on termine avec le football, le programme de la Ligue 2. Ce soir, Nancy se déplace à Auxerre. En National 2, ce soir toujours, Épinal se déplace à Schiltigheim. Et en Ligue 1, ça jouera samedi. Metz se déplacera à Dijon. Marseille recevra Nîmes, Monaco, Lille, Montpellier, Brest, Nantes, Angers, Nice, Toulouse. Le Paris Saint-Germain recevra Amiens, Reims, Lyon, Rennes, Bordeaux et Strasbourg, Saint-Étienne. Voilà pour l'actualité. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec le titre The First Noël. Et oui, on est à 4 jours maintenant du réveillon. Israel. Le titre First Noël sur RGM. Il est presque 8h55 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 11h, ce sera Ours et Carotte. 14h, rediffusion de Gémé, je vous le lis. 15h, Jazz Time. 20h, Sofro Relax avec Jocelyne. 21h, Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et quant à nous, on se retrouve tout d'abord le 24 décembre pour une émission spécial avec Lia, Chris et plusieurs bénévoles de la radio. On vous prépare une petite émission donc spéciale Noël et on sera ravis de passer quelques minutes, je ne vais pas dire quelques heures, quoique, on ne sait pas. Donc ce 24 décembre. Et sinon, nous, dans la matinale, on se donne rendez-vous le 6 janvier. Oui, le lundi 6 janvier. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, de bonnes vacances si vous allez être en vacances et d'excellentes fêtes de fin d'année. Ciao, bye bye.